Monsieur d'amigo, ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Comme Azovin, très charmante, moi pas de supposé si t'as mis en. Vendredi soir, il était très tard, moi t'es chitant, t'as fait guitar. Quand on s'est un esprit d'auto, t'es sabini comme Tomazo. A la yon petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si un jeune j'en va remer, pour ça yo dit, il faut l'accepter. Moi pas fin faire vieux. Tomazo. Monsieur Damien, coup ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Tomazo vint très charmante, même pas de supposé s'il t'amusant. Vendredi soir, il était très tard, moi t'es chitam, tape de guitar. Quand on s'est un esprit d'auto, et ça vint dit qu'on Tomazo. A la yon petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si un jeune j'en va remer, tout ça yon dit, il faut l'accepter. Moi, pas vint faire visou. Pas mon Tomazo, non pas le marié, mais mon Tomazo, je parle mes os, Tomazo, on fait vieux zo, mais mon Tomazo, je parle mes os, mais Tomazo, on nous fait vieux zo. Tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, t